Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 59 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, faire parler les paysages, une série de Tao Favre réalisée par Assia Khalid et Séverine Cassard. Alors si on vous raconte ça, c'est qu'à force de parler de la façon dont l'humain a bouleversé le climat et la planète, on s'est demandé ce qui restait des paradis perdus et de nature dans nos paysages d'aujourd'hui. Et dans vos oreilles, des éperviers, des fenouilles sauvages, et puis avec une archéobotaniste, on ira arpenter la forêt relique de la Sainte-Baume quand l'Europe était une gigantesque forêt peuplée de castors. Mais pour commencer, on est près d'un arbre et d'un cloître. La terre s'est tue. On s'est retrouvé à Saint-Guilhem-le-Désert, au pied de la Serranne, dans l'Hérault. C'est un haut lieu du tourisme et on est à côté d'un platane qui a une circonférence de près de 7 mètres. Vu cette taille, on a tout de suite l'impression d'avoir affaire à un arbre très très vieux. Et il a été planté vers 1850, donc c'est vieux, mais pas tant que ça. Gilbert Cochet, naturaliste. Mais malgré tout, il montre une notion du temps long par rapport à la vie des arbres, à la vie naturelle. À la vie. Et nous, on n'a pas ce temps long. Mais dans le même temps, si on regarde vers le cloître, on a ici un cloître avec une entrée romane. Donc là, on est autour du XIe siècle. Et donc, ça nous transporte loin dans le temps, là aussi. Et donc, on a finalement, dans cet emplacement, deux temps longs. Et ces temps longs nous font du bien, nous rassurent. Parce que le temps long, ça veut dire la continuité. Ça veut dire qu'on vient de quelque chose, il y a quelque chose avant nous. Il y aura quelque chose après nous et on n'est pas perdu, on est en quelque sorte pris en main. Donc on a à la fois le temps long et puis il y a quelques minutes, c'est midi, on a entendu l'Angélus. Et donc on voit que l'homme a eu besoin de stopper en quelque sorte le temps rythmé, même à l'intérieur même d'une journée. Donc avec cette prière qui se faisait, qui commençait par Angélus, et c'est pour ça qu'on l'appelle l'Angélus. Et donc, on est dans un lieu où la notion de temps est vraiment très importante. Il faut dire combien ce village est sublime. C'est un village médiéval avec cette pierre très caractéristique qui vient d'ici, qui est dans des tons ocre. Et ce que je vous propose, Béatrice et Gilbert, c'est qu'on s'écarte un petit peu du village et qu'on aille dans la garrigue. C'était le village, on est sur les hauteurs de Saint-Guilhem. D'ici on voit les toits en tuiles. On se retrouve dans un paysage assez emblématique de la garrigue. Comment vous le percevez, ce paysage ? Béatrice Crémer-Cochet, naturaliste. Alors, ce paysage, si on le regarde de manière un petit peu approfondie, on voit à nos pieds un petit arbuste qui est un pistachier. On a pu voir également, en montant, une plante avec des petites épines et des feuilles en forme de presque cœur qu'on appelle la salse pareille. C'est une végétation typiquement méditerranéenne. Mais si on regarde d'un petit peu plus près, on voit aussi du fenouil, beaucoup de fenouil. Et ça, c'est une plante cultivée. C'est donc des graines qui se sont échappées. Et si on regarde encore plus attentivement, on voit des petits murets en pierre qui montrent qu'on est ici sur une ancienne zone agricole, une culture en terrasse. Et moi, ce que je vois dans ce paysage qui paraît très sauvage à première vue, c'est un paysage qui a été fortement marqué par l'action de l'homme et notamment par l'agriculture. En effet, on a cet aspect-là un petit peu dans tout le sud de la France, ou dans le Massif central aussi. Il s'agissait d'habiter la pente. Et habiter la pente, il faut arriver à faire disparaître cette pente. Donc les habitants remontaient des murs en permanence, remontaient la terre en permanence pour pouvoir cultiver sur ces terrasses. Alors après, on peut s'interroger sur la présence de la roche qui affleure à peu près de partout, sauf les endroits qui sont un peu plats. Quand on regarde une zone comme celle qui est face à nous, c'est un petit peu plus plat. Donc la terre a pu se former, des arbres ont pu pousser, alors que sur les endroits en pente, c'est décharné. La roche apparaît brute. Mais on voit que la végétation petit à petit s'installe. On a une dynamique, mais on s'inscrit dans le temps long là aussi. Mais on a une dynamique d'une végétation qui progresse, qui reprend un petit peu ses droits. Alors moi qui viens dans ces régions depuis plusieurs décennies, je peux dire que je commence à voir une évolution, même si elle est très très lente, la végétation qui prend le pas sur le côté minéral. Si on regarde dans le ciel, là, on voit un oiseau qui a une silhouette de rapace assez fine, assez petit, avec une longue queue. C'est un épervier qui est en train de nous survoler. Ça, c'est une chasserelle. Un faucon cresserelle là, qui vient de se poser sur la falaise rocheuse, sur un petit replat avec un trou en forme de mini-grotte. C'est probablement son aire. Là, il s'est posé, il a probablement ramené quelque chose à ses jeunes et il est reparti au-dessus de la garrigue. Il survole à la recherche d'une proie potentielle. Alors, il faut savoir que les rapaces ont été protégés par la loi de 1976. De protection de la nature. Et suite à cette protection, petit à petit, on a vu les effectifs des différentes espèces augmenter. Et en France, c'est quand même le moment où on s'est dit, on va arrêter de tuer tout ce qui bouge, on va protéger les espèces d'oiseaux, de mammifères, etc., qui ne sont pas chassés. Et on fait une liste de ceux qui peuvent l'être. Ça a été un grand pas en avant par rapport à la nature. Le décor autour de nous est sublime et pourtant, il y a quelque chose ici de dysfonctionnel. C'est vrai pour voir ce côté un peu dysfonctionnel, il faut avoir quelques connaissances quand même. Parce qu'au premier abord, c'est vrai, une belle carte postale, hein, tout a l'air bien en place, bien posé, tout ça. Mais quand on regarde de près, on a une petite garrigue, donc une végétation peu haute, peu développée. Alors que normalement, dans ces secteurs-là, on devrait avoir des arbres beaucoup plus grands. Mais on a du mal parce que ces nouveaux paysages, en fait, existent depuis des milliers d'années et apparaissent à l'homme comme étant quasi immuables depuis toujours. Vous voyez, si on fait la comparaison avec ce que l'homme blanc a découvert quand il est arrivé en Amérique du Nord, dans les Rocheuses, par exemple, il a découvert un véritable paysage naturel, complètement sauvage. Pour la raison toute simple, c'est qu'en Amérique du Nord, il n'y a jamais eu, à part peut-être le dindon, n'y a jamais eu de domestication comme nous avons ici en Europe et en Eurasie. Donc jusqu'au moment où l'homme blanc est arrivé en Amérique du Nord avec sa vache, son mouton, sa chèvre, eh bien, il n'y avait aucune de ces espèces-là. Et les montagnes, les rocheuses, le parc national de Yosemite, par exemple, c'est un parc national où la nature est telle qu'elle était avant l'intervention de l'homme, puisque l'intervention de l'homme a été pratiquement quasi inexistante. Alors que nous, tous nos paysages sont des paysages qui ont été pastoralisés, néolithisés. C'est-à-dire, le néolithique est passé par là, et on les a exploités, surexploités. Et quand on dit exploiter, ça peut aller très très loin, puisqu'il y a des endroits, c'est devenu le désert. On estime que sur la surface qui a été transformée en surface agricole, on a peut-être quelque chose comme les deux tiers qui sont devenus des déserts. L'histoire est la même partout. D'abord, il y a la forêt. Après, il y a le déboisement avec le pastoralisme. Après, il y a le désert. Et enfin, il y a les archéologues. Il y a 10 000 ans, soit 350 générations humaines, l'Europe est donc couverte d'arbres. La Grèce, l'Espagne, l'Islande sont des forêts humides. La France, avec ses deux côtes, ses fleuves, ses rivières innombrables, est saturée de vie. Des légions de castors composent et recomposent le maillage de la forêt et des cours d'eau. Chaque année, des milliards de poissons migrateurs remontent les rivières et meurent, apportant aux arbres d'immenses quantités de minéraux. La mer nourrit la forêt. Tout dialogue dans ce grand cycle où les humains vivent de chasse et de cueillette. Aujourd'hui, le paysage a changé. Des villes ont poussé au milieu des champs. La France est devenue un vaste agro-système et c'est dans un pays sans insectes et sans hirondelles que grandissent les enfants. Ils ne s'en inquiètent pas, c'est pour eux la normalité. Ils sont, comme nous le sommes, amnésiques. La catastrophe écologique est une crise de la sensibilité. C'est parce qu'ils ne nous parlent pas qu'on peut, qu'on laisse maltraiter le vivant. Parce que la terre s'est tue, il y a une mémoire à retrouver, une parole, un dialogue. Alors ici, on est dans une garrigue méditerranéenne. Claire Delon, archéobotaniste. Donc on est dans une végétation qui est sempervirente, ça veut dire qu'elle garde ses feuilles en hiver. Donc ici, c'est toujours vert, c'est une des caractéristiques de ces végétations méditerranéennes qui fait leur attrait surtout à la mauvaise saison où les arbres perdent leurs feuilles un peu plus haut. Il y a du ciste, il y a du chêne vert. Il y a des genêts, il y a des pistachiers térébintes derrière nous. Donc des plantes qui sont très habituées à la sécheresse, au climat méditerranéen. Et qui ont été considérées depuis très longtemps comme des plantes qui étaient bien adaptées à leur milieu et qui avaient dû de tout temps pousser dans ces conditions sur le pourtour de la Méditerranée. On est au-dessus de Sainte-Agnès. C'est un petit village... tout en bas, tout à droite de la carte de France, sur les hauteurs de Menton, avec en face de nous la mer, un panorama à 180 degrés. On a traversé des bosquets de ciste qui sont en fleurs et ça sent très fort le thym. Alors ici, donc le site de Pindimoun qui est juste en face de nous, au-dessus du village de Castellar, qu'on voit très bien ici, à flanc de montagne, c'est un des sites néolithiques les plus anciens de Méditerranée nord-occidentale. Donc un des premiers endroits où se sont installées des populations qui maîtrisaient l'agriculture et l'élevage. C'était des petits groupes pionniers qui arrivaient de la péninsule italique par la mer. Et qui sont arrivés avec leur savoir-faire agricole et pastoral dans un paysage où vivaient encore quelques populations assez éparses de chasseurs-cueilleurs du Mésolithique qui existaient encore dans la région. Et donc ces gens sont arrivés avec leurs animaux domestiques, avec leurs céréales, du blé, de l'orge, avec des légumineuses aussi, et ont commencé à implanter les pratiques agro-pastorales. Ce qui m'intéresse, moi, en tant qu'historienne, préhistorienne de la végétation, c'est que pour arriver à se chauffer, à s'éclairer, à faire la cuisine, à mener toutes leurs activités artisanales comme fabriquer de la poterie, ils ont eu besoin d'énergie, donc de faire du feu. Et pour ça, ils ont récolté les arbres qui étaient autour d'eux pour alimenter leur foyer. Et donc quand c'est la seule source d'énergie qu'on est obligé de ramasser du bois tous les jours pour tout un tas d'activités, bon, on ne choisit pas, on ramasse ce qui est autour, ce qui est le plus simple à récolter. Et donc petit à petit, ils ont fait un échantillonnage assez exhaustif de la végétation ligneuse qui poussait autour du site, qu'ils ont brûlé et qu'on retrouve, nous, en tant qu'archéologues, sous forme de charbon sur ces sites archéologiques. Et donc, si on étudie ces charbons, on est capable d'identifier les espèces de bois qui ont été brûlées et de savoir de quoi était composée la végétation au moment où ces gens se sont installés sur ce site. Quand on a fait l'étude de ces charbons, c'est mes collègues Stéphanie Thiébaud et Jeannette Batentier qui ont étudié les charbons du site de Pendimoun. Elles se sont rendues compte que la végétation ne ressemblait pas à ce qu'on a actuellement sous les yeux. Ce n'était pas une végétation méditerranéenne typique avec du chêne vert, des cistes, des pins et des autres espèces sclérophylles. C'était une chênaie caducifoliée, donc caractérisée par le chêne pubescent, qui était l'espèce prépondérante avec tout un tas d'espèces compagnes. Mais en tout cas, c'était une végétation tout à fait caducifoliée, telle qu'on la retrouve actuellement si on monte un peu plus haut, en altitude ou en latitude. Caducifoliée, c'est-à-dire qui perd ses feuilles, c'est ça? Donc c'est des chênes qui perdent leurs feuilles l'hiver? C'est le chêne pubescent principalement dans cette région qui perd ses feuilles en hiver, donc, et qui en hiver présente des paysages beaucoup plus pelés que ce qu'on voit ici dans les végétations de chêne vert. Et donc les analyses de charbon de bois, qu'on appelle l'anthracologie, nous apprennent que en fait, c'est une espèce qui était prépondérante jusqu'au littoral, sur tout le pourtour nord de la Méditerranée. Et donc on voit ce chêne caducifolié qui est dominant dès la fin de la dernière glaciation et jusqu'à la moitié du néolithique à peu près. Jean-Paul Demoule, 54% du territoire français est agricole. Comment l'archéologue que vous êtes perçoit ce paysage ? Le paysage que nous voyons aujourd'hui est totalement artificiel. Il y a 20 000 ans, la France, c'était un paysage de steppe, hein, où il y avait des rennes et des mammouths et des rhinocéros laineux. Et puis, il y a 10 000 ans, avec la fin de la dernière glaciation, l'Europe se couvre de forêts, devient une forêt vierge, avec les espèces actuelles, tempérées, chênes, tilleuls, hêtres, etc. Et les rennes et les mammouths sont remontés dans le nord. Et ce qu'on a, c'est des chevreuils, sangliers, aurochs, cerfs, ours, etc. Et c'est ça qui va être défriché à partir du néolithique. C'est là qu'on a besoin des fameuses haches polies. C'est pour ça qu'on parlait jadis de l'âge de la pierre polie, qui vont servir à couper les arbres par la hache, mais également par le feu, à la fois pour établir les champs et par ailleurs pour construire les maisons, puisque le néolithique invente le confinement, il invente les maisons en dur. Jusqu'à là, on avait essentiellement des populations, des petits groupes nomades qui se déplaçaient avec leur tente ou leur yourte. Donc pour toutes ces raisons, on va commencer à déboiser, même à déboiser massivement. Est-ce qu'on pourrait essayer de se mettre à la place des populations néolithiques qui débarquent ici? Quelle forêt faut imaginer? Alors actuellement, autour de nous, on a une végétation qui est quand même assez basse, surtout là où on est actuellement, on est sur les pentes, donc c'est vraiment une garrigue assiste, une garrigue basse. Si on va dans des zones un peu plus forestières, on va avoir de la chênaie verte, mais ça reste quelque chose de relativement peu élevé, assez broussailleux, avec des arbres qu'on appelle en taillis. Donc on a souvent plusieurs troncs qui partent de la même souche. Et quand les néolithiques sont arrivés, ce n'était pas du tout ce type de végétation qu'ils ont trouvé. Alors déjà, la composition était différente. C'était donc une chênaie caducifoliée qui était certainement très variée quant aux espèces qui la composaient. Il y avait effectivement une chêne pubescent, mais tout un tas d'autres choses avec. Donc des espèces compagnes, des érables, des fameux arbres de la famille des pommiers, des pruniers, mais aussi des arbres qu'actuellement on ne retrouve plus que beaucoup plus en montagne dans la région méditerranéenne, comme l'if, le hêtre. Et ces arbres, vraisemblablement, c'était des futaies, c'est-à-dire des arbres qui ont poussé à partir de la germination d'une graine et qui ont donné un seul tronc, un seul fût, droit, haut, avec les feuilles en haut, et pas ces formes de taillis avec plusieurs tiges qui partent du sol d'une même souche. Et cette transformation de la physionomie de la forêt, en plus d'une transformation de la composition spécifique, c'est vraiment lié aux activités humaines, au fait de couper les arbres, de les couper ou de leur faire vivre des aléas, comme par exemple le pâturage. Donc à Pendimoun, comme sur tous ces sites du néolithique, on pense vraiment que c'est l'activité d'élevage qui a transformé la forêt. Donc les moutons et les chèvres qui composaient les troupeaux du néolithique ont brouté dans les zones forestières, ce qui a permis de favoriser certaines espèces, d'en défavoriser d'autres, et de modifier également la forme de cette végétation. Alors par exemple, les troupeaux, ça va éviter certaines espèces que ça ne va pas manger. C'est le cas du ciste qu'on a ici sous le nez, mais c'est aussi toutes les petites labiées, toutes ces plantes aromatiques comme le thym, le romarin, la lavande que les animaux ne vont pas brouter, qui vont être favorisées. Ça ne va pas non plus manger toutes les plantes qui sont très épineuses. Donc tout ça, c'est des plantes qui vont être favorisées. Et puis, ça va défavoriser les plantes qui ont du mal à se remettre des perturbations, qui ont du mal à repousser, qui rejettent mal de souches. Donc c'est pour ça que le chêne pubescent, petit à petit, va être défavorisé par rapport au chêne vert, qui lui rejette très bien de souches, qui gère très bien les aléas qui peuvent lui arriver au cours de sa croissance, et qui donc, petit à petit, va prendre tout l'espace. Et c'est comme ça, par l'élevage, que les hommes ont modifié le paysage jusqu'à créer cette végétation qui s'étend sur tout le versant nord du bassin méditerranéen et qui est tellement localisée à cette zone-là qu'on a l'impression que c'est une végétation liée aux conditions climatiques, aux conditions édaphiques. C'est en partie le cas, mais c'est aussi à cause des pratiques humaines. S'il n'y avait pas les pratiques humaines, ce n'est pas ce type de forêt qu'on aurait sous le nez actuellement. Ce serait une futaie de chênes pubescents avec tout un tas d'espèces associées. Pour avoir l'agriculture, il y a fait deux conditions nécessaires. D'une part, une période climatique plus favorable, donc l'actuel interglaciaire qui commence il y a 10-12 000 ans, et aussi une complexité plus grande du cerveau humain, parce que le précédent interglaciaire, c'était entre 130 000 et 115 000 ans avant nous. Il n'y a pas eu d'invention de l'agriculture. On peut supposer qu'effectivement, le cerveau humain, même si c'était déjà des Homo sapiens depuis 300 000 ans, était quand même moins complexe. Et que c'est à partir de 40 000 ans, par exemple, qu'on voit les représentations, les peintures, les sculptures. Donc c'est l'indice, justement, d'une plus grande complexité cérébrale. Donc il a fallu ces deux conditions. Et effectivement, dès que le climat se réchauffe, un peu partout, on voit des petits groupes de chasseurs-cueilleurs qui commencent à domestiquer animaux et plantes de façon systématique. Ça va se généraliser en quelques millénaires, sûrement pas de manière linéaire, sans doute avec des allers-retours, mais la principale conséquence, c'est un boom démographique. Donc ce boom démographique fait qu'à partir des foyers d'invention de l'agriculture, eh bien une partie de la population en surnombre va migrer de plus en plus loin et en assimilant et parfois en massacrant les chasseurs-cueilleurs, ceux qui étaient restés chasseurs-cueilleurs. cueilleurs. Donc dans le cas de l'Europe, et particulièrement de la France, il n'y a pas eu d'invention sur place en Europe du néolithique. Ça vient du Proche-Orient, une partie des populations trop nombreuses du Proche-Orient traversent ou longent la mer Égée, arrivent dans les Balkans et après vont se répandre le long de la Méditerranée d'une part et par l'Europe centrale de l'autre pour arriver sur l'actuel territoire français. Beaucoup de gens pensent que quand ils sont dans un paysage agricole, ils sont dans un paysage naturel. Mathieu Calam, agroécologue. Or, en réalité, si vous discutez avec les écologues, et même d'une certaine manière, si vous faites vous-même la propre expérience d'abandonner un terrain pendant suffisamment longtemps, vous vous apercevez que l'écosystème naturel sous nos climats, c'est la forêt. Et donc, tous les champs que nous traversons sont artificiels, en fait. C'est une création de l'homme. Et l'écosystème auquel ils correspondent, effectivement, ces espèces de grandes plaines, c'est une steppe. C'est ce qu'on appelle une steppe en termes écologiques, si je puis dire. Et donc, on se dit, mais pourquoi des hommes auraient tout d'un coup eu l'idée de complètement bouleverser leur environnement? En fait, ils ne l'ont pas eu. C'est tout simplement l'agriculture apparaît dans des zones steppiques. Donc, ils vont domestiquer un certain nombre d'espèces qui sont endémiques dans l'écosystème dans lequel ils se trouvent, les sélectionner, c'est ce qu'on appelle la domestication. En fait, ils vont contrôler la reproduction pour les faire évoluer vers des formes qui leur conviennent mieux, qui nous conviennent mieux. Enfin, après, on peut en discuter de l'effet sur la santé, mais qui leur conviennent mieux. Et puis ensuite, ils vont se déplacer. Et c'est en se déplaçant qu'ils vont arriver dans des zones de forêt. Et effectivement, à ce moment-là, les plantes qui, les animaux qu'ils ont domestiqués ne sont pas adaptés à la forêt. Et donc, quelle idée ils ont? C'est non pas de sélectionner des espèces endémiques, mais d'adapter l'écosystème aux espèces avec lesquelles ils migrent. Et donc ces migrants qui arrivent avec leurs semences, leurs vaches, leurs moutons, plantes et animaux steppiques, vont couper la forêt et transformer l'Europe en steppe. Et c'est ça, d'une certaine manière, c'est le début d'une forme de recomposition du territoire et du paysage. Est-ce que derrière, il y a une forme d'artificialisation? Oui, c'est déjà un début d'artificialisation, on peut dire, mais il n'y a quand même pas l'idée de remplacer tous les éléments et tout l'écosystème par des produits, des intrants typiquement. Donc ils ne vont pas se substituer au sol pour la fixation d'azote, par exemple, comme on le fait aujourd'hui avec l'agriculture industrielle. De quelle échelle de temps parle-t-on pour partir de cette forêt de chênes qui est du sifflier à cette garrigue? Le temps qu'il a fallu pour arriver à cette transformation de la chêne caducifolier en garrigue, alors sur le site de Pendimoun, on a de la chêne caducifolier qui se maintient sur tous les niveaux du néolithique, sauf à la fin du néolithique final. Mais il y a une période où il n'y a pas eu d'occupation, ou en tout cas on n'a pas retrouvé les traces de l'occupation, et en fait on n'arrive pas à saisir ce basculement. On a tout un moment où on a de la chêne caducifolier, et puis dans les derniers niveaux de la culture qu'on appelle le campaniforme, qui est tout à la fin du néolithique, ça commence à être de la garrigue. Par contre, il y a d'autres sites sur lesquels cette dynamique de végétation est bien mieux, bien plus précisément documentée, le passage de la chêne à la garrigue. Notamment du côté du Languedoc, sur les sites de Labrador et Fonds Juvénal. Et là, on voit que ce changement de végétation, il intervient au cours du néolithique moyen, donc vers 4200 avant Jésus-Christ à peu près. Donc, à partir de l'arrivée des néolithiques, il y a un peu plus de 7000 ans, ben voilà, il a fallu un gros millénaire pour qu'on passe d'une forêt caducifoliée à une garrigue. Et ce qui est important dans ce changement, c'est qu'ensuite la garrigue se maintient. C'est ce qu'on appelle l'anthropisation. Les actions humaines n'ont pas juste changé la végétation, elles ont changé la dynamique de la végétation. Alors si on s'affranchit de la durée du temps, si on peut dire, Gilbert Cochet, on laisse libre cours, que le temps ne soit pas le facteur limitant. Donc on laisse aller, on laisse aller, on laisse aller. Il y a tout un relief rocheux que l'on voit aujourd'hui qui disparaîtrait sous l'apparition et la formation d'une forêt, plutôt de chênes, mais pas nécessairement de chênes verts, de chênes kermès, de chênes méditerranéens, mais carrément de chênes pubescents, donc un peu qui vit actuellement un peu plus au nord, voire même de chênes sessiles, pédonculés, avec des arbres très très gros, qui peut vivre, le chêne peut vivre 1000 ans. Donc ces 1000 ans, peut-être même 2000 ans, mis à profit par la nature, nous feraient des forêts magnifiques. Et allons plus loin. Cette forêt va nous faire un nouveau climat, parce qu'il y aura de la fraîcheur, il y aura plus d'évaporation, il y aura du sol qui va retenir l'eau. Ça a été démontré dans le sous-sol, dans les grottes, dans la faune cavernicole. Et ici, comme il y a du calcaire partout, c'est un vrai gruyère. Quand on a de la garrigue, en dessous on a une faune, pas grand-chose. C'est un peu restreint, quoi, parce qu'il y a peu d'alimentation. Si au contraire, au lieu de la garrigue, on a de la forêt, à ce moment-là, on a de la matière organique en quantité qui tombe, et on a un prodigieux développement de la faune cavernicole. Ça va jusqu'aux chauves-souris. Donc la garrigue abandonnée nous fait une forêt qui enrichit le sol, qui enrichit la canopée et qui enrichit le sous-sol. Si on comparait ça avec un immeuble, eh bien là où on avait un seul niveau, un seul étage, on va avoir 10, 20, 30 étages et on va avoir même des sous-sols et tout ça plein de vie. Un rossignol. Voilà. Ici, on est dans la forêt de la Sainte-Baume, qui est une forêt située à quelques kilomètres d'Aix-en-Provence, à une vingtaine de kilomètres de la mer, et qui se présente comme une forêt, une futaie extrêmement haute, extrêmement dense, tempérée, humide, abritée, dans laquelle on trouve des espèces qu'on ne trouve pas d'habitude en région méditerranéenne. Donc c'est une forêt très étonnante, on entend beaucoup d'oiseaux qui nichent dans les grands arbres. On est à l'ombre, on est abrité du vent qui souffle assez fort aujourd'hui et là on ne le sent quasiment pas. Et donc c'est une végétation très originale sur le littoral méditerranéen. Donc cette forêt, elle est souvent décrite comme la hêtraie de la Sainte-Baume. C'est une forêt avec beaucoup de hêtres, mais pas seulement. Il y a tout un tas d'autres espèces qui poussent avec, d'autres espèces d'arbres, notamment des ifs ou du houx, qui sont des espèces qu'on trouve dans des forêts sombres, plutôt en montagne. Et le hêtre est aussi un arbre montagnard en région méditerranéenne, qu'on ne trouve pas normalement à relativement basse altitude et proche du littoral. Alors qu'ici, on commence à en voir à partir de 500 mètres à peu près d'altitude. Quelles espèces, là, on voit autour de nous ? Alors autour de nous, juste devant nous, on a un vieil if magnifique. On voit qu'il est très vieux, il est creux. Il a un tronc très torturé avec beaucoup de trous qui peuvent servir d'abri à tout un tas d'animaux. Juste derrière, on a un grand tilleul très haut avec un tronc très droit. En face de nous, on a un hêtre qui est aussi très haut avec un fût également très régulier, très rectiligne. On a aussi beaucoup d'érables qui viennent de mettre leurs feuilles et qui sont vert clair. Et un peu plus bas, on avait beaucoup de chênes pubescents qui diminuent au fur et à mesure qu'on s'élève dans la forêt au profit du hêtre qui devient de plus en plus abondant. On est dans ce qu'on peut appeler une forêt relique. Alors la forêt de la Sainte-Baume est parfois appelée forêt relique, effectivement, parce qu'elle ressemble à ce qu'on imagine des végétations qui pouvaient pousser en région méditerranéenne avant l'anthropisation par les activités agropastorales à partir du néolithique. Alors pour ça, on a différents indices. On a non seulement sa composition qui ressemble à des choses qu'on peut trouver dans des enregistrements par exemple de polliniques, des pollens qui se sont déposés au fond des lacs et des zones humides, mais aussi on a des traces d'espèces qui sont également des espèces caractéristiques des milieux montagnards. On a des petites graminées qui ne devraient pas pousser ici. Il y a aussi certains insectes, des coléoptères, qui sont des coléoptères d'altitude et qui ne devraient pas se trouver ici. Et donc il y a eu une hypothèse pendant un certain temps disant que c'était une forêt qui avait pu être plantée. Mais en fait, si la forêt avait été plantée, les personnes qui l'ont plantée n'auraient pas introduit en même temps les petites graminées et les coléoptères. Donc le fait qu'il y ait ces espèces, ça, c'est un bon indice pour dire que c'est un reste d'une forêt qui était installée à une époque où le climat était un peu plus frais, plus humide, où l'activité humaine n'avait pas encore commencé à diminuer le couvert forestier. Telles qu'on voit les sociétés de chasseurs-cueilleurs, elles se sont immergées dans la nature. Jean-Paul Demoule. Les peintures paléolithiques le montrent, c'est-à-dire que les humains se pensent à travers les animaux. Ils se représentent très peu, ils représentent essentiellement des animaux. Donc ils se sentent comme une espèce animale parmi d'autres et descendant, dans le cadre de ce qu'on appelle le totémisme, chaque clan descendant d'un ancêtre mythique qui est souvent un animal. Là, il y a effectivement, à partir du début du néolithique, notre rapport va complètement changer. Ça devient un rapport de domination et il y a même un débat pour savoir quelle est la poule et quel est l'œuf. Est-ce que on a commencé à domestiquer et puis on s'est mis à avoir ce rapport de maîtrise de la nature où il y aurait eu d'abord un changement dans la tête de certains chasseurs-cueilleurs de vouloir dominer. Je pense que les deux vont ensemble. On peut pas individualiser les causes et il y a toujours plusieurs causes à un phénomène. Mais effectivement, c'est ce rapport qui va changer à ce moment-là et qui va ne faire que s'accentuer de nos jours, puisque effectivement, de plus en plus, on a éliminé toutes les espèces qui nous plaisaient pas, soit directement, soit indirectement, favorisant et faisant exploser le nombre des espèces qui nous plaisaient. Les humains sont faits pour la relation. Les yeux, la peau, la langue et les narines, autant de voies d'accès par où ce qui est autre nourrit notre corps. Ce paysage aux voies obscures, ces corps duveteux, ces ramures, ces rivières tumultueuses, ces formes qui respirent sont notre famille. Nous sommes liés à ces êtres, avec eux nous luttons, nous souffrons, nous nous réjouissons. Pendant la majeure partie de notre existence en tant qu'espèce, nous, humains, avons négocié et entretenu des relations avec chaque aspect de notre milieu sensuel, débattu des possibles avec chaque forme battant au vent, avec la texture de chaque surface, avec chaque entité frissonnante à laquelle nous portions attention. Tous pouvaient parler, articulant gestes, sifflements, soupirs en un tissu mouvant de signification que nous sentions à même la peau, ou inhalions à travers nos narines, ou discernions avec nos oreilles, et auxquels nous répondions, que ce soit par des sons, des mouvements, une légère modification d'humeur, la couleur du ciel, le déferlement des vagues. Chaque aspect de la sensualité terrestre était susceptible de nous engager dans une relation nourrie par la curiosité et épicée par le danger. Chaque son était une voix. Chaque incident ou chaque maladresse était une rencontre. Avec tonnerre, avec chaîne, avec libellule. Et nos manières collectives de sentir se nourrissaient de toutes ces relations. Aujourd'hui, nous avons affaire quasi exclusivement à d'autres humains ou à des technologies produites par nous, humains. Étant donné nos anciens rapports de réciprocité avec le milieu aux voies multiples, il s'agit là d'une situation précaire. Nous avons toujours besoin de ce qui n'est pas nous ou nos propres créations. nous ne sommes humains qu'en contact et en convivialité avec ce qui n'est pas humain. David Abraham. Qu'est-ce qui manque ici pour avoir un environnement fonctionnel? On a un très beau paysage végétal, mais ce qui manque beaucoup, c'est la faune, et notamment la grande faune, qui a totalement disparu de nos paysages. Béatrice Crémer-Cochet. Dans un paysage comme ça, pour retrouver toute la fonctionnalité, il faudrait retrouver tous les maillons de la chaîne alimentaire, depuis les herbivores sauvages, il n'y en a quasiment plus ici, à part sangliers, quelques rares chevreuils, il pourrait y avoir du chamois. Il pourrait y avoir du bouquetin ibérique. D'ailleurs, il y a un programme de réintroduction du bouquetin ibérique qui est en cours dans les Pyrénées. Ce programme pourrait très bien être étendu un petit peu au sud du Massif central parce qu'on a des données historiques fossiles qui montrent que le bouquetin ibérique était présent dans ce secteur. Donc il pourrait très bien y être. Ça donnerait le maillon herbivore sauvage un petit peu plus complet. Il manque peut-être aussi certains grands ongulés comme le cerf. Ça paraît surprenant d'avoir du cerf dans ce paysage méditerranéen. Mais si on regarde l'Espagne, par exemple, le cerf est très présent en Espagne. On pourrait également avoir du daim. Le daim est typiquement une espèce présente en milieu méditerranéen. Il a totalement disparu ici. Et on sait, par là aussi, des restes fossiles, qu'il était présent. Et après, au-dessus des herbivores, il y a les prédateurs des herbivores, il ne faut pas les oublier. Donc certains sont en train de revenir spontanément. On a de temps en temps des loups de passage dans cette zone méditerranéenne. Ils ne sont pas encore installés, mais ils pourraient s'installer. Et ces grands prédateurs ont l'avantage de disperser les ongulés et d'éviter le surpâturage de certains endroits. Et donc de favoriser la régénération spontanée de la forêt méditerranéenne quand elle est présente. Et parmi les prédateurs, il y a aussi le lynx ibérique notamment, qui a été préservé et parfois réintroduit en Espagne, mais qui est encore totalement absent dans le paysage méditerranéen français et qui a toute sa place ici. Donc voilà déjà quelques éléments marquants qui manquent. C'est la grosse faune qui manque dans ces paysages. À mon avis, quand on se retrouve face à un animal sauvage, face à un paysage vraiment sauvage, j'ai l'impression que on remonte au temps premier de la relation de l'homme et la nature. Donc je pense que la rencontre avec le vivant, quel qu'il soit, nous transporte vers un temps ancien où ces rencontres étaient quotidiennes. Malheureusement, à la place de ça, nous avons des animaux apeurés. Elles sont obligées d'avoir une distance de sécurité très importante, ce qui fait qu'on les voit de loin et c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Et là, c'est sans doute quelque chose de très important qu'on a perdu. Alors, il y a quelque chose qui frappe dès qu'on rentre dans cette forêt, c'est d'abord la taille des arbres qui sont très hauts, la taille des troncs, beaucoup de troncs creux, un sol épais, humide. Impossible de deviner que la garrigue est juste à côté, et ce contraste entre ces deux environnements, il est saisissant. Le contraste est vraiment saisissant et on explique ça à la fois par la topographie des lieux qui fait qu'on est à l'abri des influences méditerranéennes grâce à ce massif qui fait une barrière le long du littoral. Claire Delon. Et par l'absence d'activité humaine directement sur la forêt qui a permis de préserver cette forêt très haute, très dense, très diversifiée. avec effectivement une forme de futaie et pas du tout de taillis, donc des arbres qu'on a laissés pousser, qu'on n'a jamais coupés, qui n'ont pas rejeté de souche ou très rarement. Et actuellement, c'est une forêt qui est en réserve dirigée, c'est-à-dire qu'il y a quelques interventions forestières, mais on essaye de laisser les choses se faire naturellement. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de bois morts. Quand les arbres meurent, ils tombent, à part ceux qui risquent d'être dangereux pour les gens qui passent sur le chemin, ceux-là sont coupés, mais tous les autres sont laissés au sol. Donc il y a une grande activité des insectes et des micro-organismes du sol, des décomposeurs. On a des vieux ifs qui sont creux, qui permettent d'abriter les oiseaux. Enfin voilà, tout est préservé. Et cette structure de la forêt permet de garder ce qu'on appelle l'ambiance forestière, c'est-à-dire une humidité à la fois édaphique, donc du sol, et atmosphérique, qui fait une espèce de microclimat. Il existe un microclimat à cause de la géographie des lieux et un microclimat à cause des espèces qui poussent ici, de la forme de la forêt, qui fait que la pluviométrie ici est bien plus importante qu'à quelques kilomètres. Je crois qu'ici, elle peut atteindre jusqu'à 1000 mm par an, ce qui est quasiment le double de Marseille, je pense, qui est situé à 30 km d'ici. Et par ailleurs, on a ce sol qui est extrêmement développé, avec une litière qui par endroits est très épaisse, qui peut faire plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur. Dessous, un humus qui est aussi également très épais. Et ce sol qui reste frais, humide, permet la croissance d'arbres qui normalement vont chercher la fraîcheur plus en altitude ou plus loin en latitude. Par exemple, le hêtre qui a besoin de ces sols développés pour pousser. Et dans les zones alentours, où la forêt n'a pas eu la même histoire, où on a détruit la forêt primitive, mais on a aussi détruit ce sol qui n'arrive pas à se régénérer parce qu'il y a de l'érosion, parce que les arbres n'ont pas le temps de former un humus aussi important. Et donc ces espèces qui climatiquement peuvent finalement tout à fait vivre en région méditerranéenne, comme le hêtre, mais ne vont pas réussir à s'implanter parce qu'il n'y aura pas les sols qui leur conviennent. Alors qu'ici, ils sont très bien, et si vous regardez au sol, il y a tout un tas de petites plantules, ce sont des jeunes hêtres qui viennent de germer. Donc on voit qu'ils s'y plaisent vraiment, ce n'est pas juste des arbres reliques qui auraient poussé à une époque et qui resteraient parce que leur durée de vie est importante. Il y a vraiment le cycle qui se renouvelle. Aujourd'hui, je suis venue avec deux de mes étudiants. Quand j'ai su que je venais à la Sainte-Baume, je leur ai dit « Montez dans la voiture, je vous amène voir quelque chose que vous devez voir au moins une fois dans vos études. » Et je leur ai dit « Vous allez voir, c'est le paysage que les néolithiques pouvaient avoir sous les yeux quand ils ont commencé à arriver en Provence et qu'ils ont commencé à mener leurs activités. » Alors, c'était sans doute pas partout comme ça, mais il y avait probablement des grands espaces où la forêt ressemblait à ça. Je leur ai dit « Il faut comprendre comment vivaient ces gens-là, avoir l'image de dans quel milieu ils vivaient. Et c'est pas en reconstituant une liste de flore. On entend la cloche de la chapelle de la Sainte-Baume qui est installée dans la grotte en haut de la falaise et qui résonne jusque dans la forêt. Pour comprendre comment vivaient ces gens-là, c'est pas en reconstituant juste une liste de flore, donc une liste d'espèces, ce qu'on fait quand on détermine des charbons de bois ou des graines de pollen, qu'on peut imaginer le paysage. Les mêmes espèces peuvent prendre des formes assez différentes. Et en fait, actuellement, on est habitué à voir de la forêt qui est de la forêt qui est domestiquée, qui est exploitée, qui est transformée par l'action de l'homme, les actions passées, mais aussi les actions actuelles. Donc on modifie sa composition et on modifie la forme des arbres, la physionomie du paysage. Et donc je trouvais très important qui viennent voir à quoi ça pouvait ressembler, cette forêt dont on leur parle, la forêt des néolithiques, qu'on peut appeler forêt primaire. La forêt de la Sainte-Baume est sans doute pas vraiment une forêt primaire, puisque ce qui a disparu n'est plus là et qu'on ne peut pas savoir si c'était vraiment pareil. Mais c'était sans doute dans ce type de paysage qu'ils évoluaient. Et ça permet aussi de retrouver un peu une ambiance sonore qu'on est incapable de reconstituer. Donc vraiment de se plonger dans le quotidien de ces personnes-là, Et donc c'est précieux pour nous d'avoir ce type d'espace où on peut imaginer un autre possible, une autre forme qu'a pu prendre la végétation sous le même climat, les mêmes conditions géologiques, mais à d'autres périodes et avec des activités humaines différentes. Derrière nous, il y avait une garrigue très typique avec une végétation arbustive. Et devant nous, il y a cette forêt avec ses arbres très grands au pied d'une falaise calcaire très impressionnante qui va à plus de 1000 mètres avec au milieu un monastère. La préservation de cette forêt, elle tient à ce monastère. La forêt de la Sainte-Baume est en effet située sur le versant nord du massif de la Sainte-Baume, qui est un massif qui est orienté est-ouest et qui donc barre les influences méditerranéennes. La mer est juste derrière, à peine 20 km de distance. Et dans ce massif se trouve une grotte, donc la Sainte-Baume, une grande grotte, aujourd'hui transformée en chapelle. Et la légende dit que Marie-Madeleine, qu'elle a été chassée de Palestine, après avoir évangélisé la Provence, est venue se retirer dans cette grotte où elle a fini ses jours. Et depuis, c'est une forêt qui a un caractère sacré pour les chrétiens, mais sans doute c'était déjà le cas avant. Comme souvent dans les sites sacrés, on se rend compte que ça a souvent une grande ancienneté. Probablement dès l'époque gauloise et peut-être même avant, mais là c'est très difficile d'avoir des informations. Donc c'est une forêt qui a été très tôt mise en défend pendant la quasi-totalité de son histoire, à part un petit peu à la Révolution. Mais c'est une forêt dans laquelle il a presque toujours été interdit de couper du bois, de faire paître les troupeaux, sous peine d'amende, d'emprisonnement, d'excommunication. Donc c'était vraiment un endroit auquel il ne fallait pas toucher. Et donc, cette forêt est restée sans être très impactée par l'activité humaine, contrairement à toutes les forêts qui se trouvent autour. De l'autre côté de la route qui passe au pied de la forêt, on voit une végétation à chêne pubescent qui est un taillis très très anthropisé, très exploité. On voit qu'il y a eu des coupes de bois régulières et dès qu'on passe la route, on a cette immense forêt primitive. Je pense que une chose qui joue pour cette sensation de bien-être dans ce type de milieu, c'est le désordre. C'est qu'en fait, on est habitué à des choses qui sont très ordonnées, très triées. Les arbres ont la même taille dans les forêts, ils sont espacés d'une certaine distance. Les espèces sont assez homogènes, on n'a pas une grande diversité. Et donc, ça empêche des surprises. Alors qu'ici, on va avancer, on va trouver une autre espèce, un autre arbre, un qui va être très gros, un qui va être tout tordu, un qui va être troué. Pareil avec les oiseaux qu'on entend au-dessus de nos têtes. Et donc, je pense que ce sentiment de bien-être, ça vient aussi de là. C'est qu'on sent que les choses s'organisent toutes seules, dans un désordre apparent, mais qui finalement fonctionne très bien. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du pacte, ici, entre l'humain et la nature. Et l'ethnologie nous dit que les peuples qui ont été moins destructeurs envers leur milieu sont des peuples qui ont fondé leur cosmologie sur un pacte. Et c'est ce pacte, aujourd'hui, auquel on ne se sent plus lié. Dans cette forêt, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la retrouvaille, comme ça, de ce pacte. Oui, et une des explications de l'existence de cette forêt, c'est aussi qu'elle a toujours été tellement impressionnante qu'elle a imposé le respect et que personne, même avec la rentabilité que ça pouvait représenter, n'a voulu y toucher. Donc je pense que c'est vraiment un pacte au-delà des interdictions, des mises en défense, des menaces d'excommunication.